Tu es trop belle pour ce monde, trop noble es-tu pour son passé. Je te renommerai douce comme un printemps, fraîche comme un rosée. Ton geste est lent comme une auberge où l'on est toujours invité. Je m'attarde au chemin dessiné par tes mains. J'y vois venir l'été. Je fis de ton sourire qui peut me faire pleurer de joie et de désir. Se fasse sauter, que j'aime te t'aimer, que j'aime à t'adorer. J'y vois venir l'été. Je crois encore au vieux mystère, des mots qui ne disent rien. Les enfants sont heureux, ils ont des rires à eux. Ils voient venir l'été. Pleurer de joie et de désir, d'amour et d'amitié.